Mais si on me place devant Trudeau dans un ring, c'est lui qui tiendra pas un round parce que la balance penche de mon côté. Le scorpion, 23 octobre au 21 novembre. Le scorpion manque de souplesse, ce qui en fait un être difficile à diriger. Il n'hésite pas à détruire pour mieux reconstruire. Il est beau et s'exprime mieux que Denis Lévesque. Tu es le cauchemar magnifique de cette société, Gabriel Nadeau-Dubois. Notre scorpion rouge. Sagittaire, avant-dernier signe, 22 novembre au 21 décembre. Donc ça, c'était juste avant les fêtes. Spontané, optimiste, pacifique, spirituel, original, aime à donner de la joie autour de lui. Le Sagittaire est parfait. En conséquence, la moitié du monde l'adore, l'autre moitié l'haït. Son prototype est Ricardo Larrivé. Ou... Grégory Charles. Grégory. Ça n'a quasiment pas sorti de ma tête. Et le signe présent... Capricorne, donc du 22 décembre au 19 janvier. Prudent, réservé, méfiant, astucieux, nerveux, mais ambitieux. Vous avez joué avec le feu depuis des années, mais vos manigances seront bien vite étouffées par votre très efficace cercle social. Bienvenue à la commission Charbonneau. Voilà, c'était votre horoscope. Je vous souhaite une belle année 2013 et on se reprend pour une meilleure chronique la prochaine fois. Merci, Mystique, Madame Dulude. Mystique. Ça m'a fait plaisir. Oui. Dans le studio, en direct. Wow! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, excellent. Tu as écrit une petite lettre à quelqu'un, je pense, hein? J'ai écrit une lettre à un organisme. Oh. C'est difficile de communiquer avec un organisme dont on ne sait plus trop qui travaille là présentement. Corporation de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières, qui a fait beaucoup parler, qui sont responsables de pas mal d'événements. Les Nuits polaires, tout récemment. Ensuite de ça, ils vont avoir toute l'animation estivale dans les rues sur la rue des Forges, surtout. Ils ont le Ferragosto et ils vont avoir à un moment donné un amphithéâtre de 9000 places, eux autres à gérer. On attend que ça. Alors voilà, donc je suis allé faire un petit tour aux Nuits polaires et bon, je leur ai écrit une lettre. Et ils m'ont répondu. Et alors, je vais vous lire cette correspondance-là. Est-ce que tu as mis tes lèvres sur l'enveloppe pour faire qui autre? Ah ben, au début, j'ai mis du parfum. Oh. Ils m'ont répondu... je commence par ma première lettre. Chère Corporation de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières, je ne peux manquer de vous faire part de ma grande déception quant à la récente programmation des Nuits polaires 2013. Ça, c'était mi-janvier. Dans le passé, en 2010, si je me rappelle bien, j'avais été ravi d'amener voir mon fils, voir les Trois Accords et Radio Radio, oui. Un groupe qu'il adore. Et je crois bien qu'il s'agissait du premier spectacle auquel j'ai pu assister avec mon garçon, tout en m'amusant autant que lui. Vraiment un très beau souvenir. L'année dernière, les choix musicaux qu'on nous proposait ne m'avaient malheureusement pas interpellé. J'ai bien demandé à Fiston s'il aimait Caïn, mais devant son air immédiatement dégoûté, j'ai ressenti une très grande fierté. Il y a du goût. Et dès lors, ce n'est pas Bobby Badini qui allait l'intéresser davantage. Donc, on a un peu passé notre tour l'année passée. Et donc, je poursuis dans ma lettre. Mais cette année, les Nuits polaires ont touché un creux historique. Martin Deschamps, DJ Abeille Gélina. Lorsque je l'ai appris sur Twitter, j'ai cru à une blague. Hashtag blague. Oui, hashtag blague, mais ça n'était pas une. Et je connais la vocation familiale de ce festival, les Nuits polaires, qui en 7 ans est devenu un incontournable de la vie culturelle d'ici. Peut-être ai-je mal interprété votre mandat, mais il me semble qu'un événement familial devrait être rassembleur. Je conçois difficilement qu'avec Martin Deschamps en tête d'affiche, votre festival puisse atteindre une telle visée. Je dois avouer que je me suis senti insulté par votre offre culturelle. Je voulais donc vous faire part de ma déception et vous poser, chère Corporation de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières, et en tout respect, la question suivante. Les Nuits polaires étant maintenant sous la gouverne de la Corporation de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières, est-ce que nous devons nous attendre à une baisse généralisée de la qualité des spectacles que vous organiserez tout au long de l'année 2013? Bien à vous, Sébastien Dulude. Bien écrit, bonne question. Alors, c'est passé comme une lettre à la poste. Oh oui. Et j'ai reçu cette réponse. Cher Sébastien Dulude. Réponse donc de la Corporation d'Amphithéâtre. Cher Sébastien Dulude, nous avons lu votre lettre avec attention et nous vous en remercions. Toute offre culturelle peut courir le risque de ne pas être appréciée également de tous. Il est malheureux que Martin Deschamps ne vous plaise pas. Son spectacle a été un véritable succès. Vous avez manqué un artiste qui donne une performance disproportionnée. Le public l'a applaudi à bras raccourcis en riant de bon cœur. Non. Sachez que nous travaillons d'arrache-pied pour la programmation estivale des spectacles de la rue des Forges. Donc, je pense qu'ils essaient de me rassurer. Là. Un travail donc sur la programmation, qu'est-ce qu'ils disent? Des spectacles de la rue des Forges. Pour faire suite à Saltaré de 2012, j'en avais déjà parlé dans une chronique. Saltaré. C'était le nom de la programmation estivale de l'été dernier. Donc, pour faire suite à Saltaré, nous allons fièrement présenter Esti de con. En hommage à la culture slovaque, avec lesquels nous avons signé une entente d'échange culturel. C'est avec plaisir que nous vous annonçons du même souffle que nous avons délégué Baptiste Prudhomme à titre d'ambassadeur culturel de Trois-Rivières au Festival de la chanson à boire de Sulske en Slovaquie. Voilà rassuré. Enfin, sachez que nous frapperons très fort cet été avec des spectacles de qualité exceptionnelle de la part d'artistes qu'on ne voit même pas à Montréal, dont Annick Jean, Sylvain Cossette et Manu Trudel. C'est vrai qu'on n'est pas au port ben, à Montréal. Nous croyons, et c'est à Corpo qui poursuit, en tout respect, que vos propos sont injustes, M. Duluth, lorsque vous affirmez que nous n'avons pas à cœur de rassembler la population. Nous avons ciblé une clientèle de classe moyenne et nous leur offrons en conséquence des spectacles médiocres. Bien à vous, la Corporation de l'Amphithéâtre. Sont polis. Étrange quand même, comme discours. Alors, j'ai répondu. À l'attention, là j'ai lâché le cher, là. Ah ouais. À l'attention de la Corporation de l'Amphithéâtre, je suis maintenant très inquiet pour la suite des choses. Qu'en sera-t-il de la programmation de Ferragosto et surtout de l'amphithéâtre lui-même lorsqu'il sera construit? Anxieusement, Sébastien Duluth. Pas de parfum dans celle-là. Monsieur Duluth, réponse de la Corpo, très rapide, hein? Monsieur Duluth, votre inquiétude nous paraît injustifiée, mais ce qui suit devrait vous faire taire vos inquiétudes. Un petit lapsus étrange aussi. Ferragosto sera de retour, on m'informe, fort d'un nouveau partenariat avec le GRIP Trois-Rivières. Je ne connaissais pas le GRIP, le gratin des restaurants italiens populistes de Trois-Rivières. Eduardo, Vincenzo, Angeline, Bravo, Pacini, La Piazza, Le Four à bois, Mike's, Le Manoir du Spaghetti, Pizza Hut et quelques dizaines d'autres. C'est vrai que le grand. Pâte et pizza à Trois-Rivières, ça va bien. Donc, se sont regroupés sous le GRIP. Alors, Ferragosto sera de retour. Alors, ils disent encore la thématique de l'édition 2013 de notre grande Fiesta Muy Caliente. Bien italien, ça. Donc, cette Fiesta italienne sera cette année le pain. Ainsi, un gigantesque lancer de croutons sur la population est prévu lors des traditionnels feux d'artifice. Excellente thématique du pain. De plus, un collectif d'artistes peintres se réunira pour créer une immense murale improvisée sous le thème « pizza ». Et enfin, pour ajouter une dimension sportive et ludique à l'événement, Ferragosto, nous organiserons des combats dans le beurre à l'ail pour toute la famille. Nous allons beurrer épais, si vous nous passez l'expression. Oh, aïe, aïe. Ensuite de ça, ils nous disent « Quant à la programmation de l'amphithéâtre, là, on touche au vif du sujet, il serait prématuré de vous divulguer des informations quelconques. Celles-ci viendront bien assez rapidement. Un scoop néanmoins pour vous exciter le popcorn? Nous négocions, c'est encore pas qu'il dit ça, là. Nous négocions pour obtenir les droits exclusifs d'une comédie musicale qui vous consternera à coup sûr. Wow! Celle-ci sera une redite des plus grandes chansons du cinéma sélectionnée par nul autre que le parrain du cinéma québécois, Vincent Gouzeau. Ah. Colossal, majestueux, dilapidant, les mots nous manquent pour exprimer notre fierté devant la vacuité de ce projet visionnaire d'envergure locale. Bien à vous, la Corporation de l'Amphithéâtre. Ah, j'étais flabbergasté. Alors, j'ai répondu très rapidement à l'attention de la Corporation de l'Amphithéâtre. Merci de ces précisions. Il est inutile de me réécrire. Je quitte le pays. J'ignore où, n'importe où, sauf en Slovaquie. Trop peur de croiser un festival de chansons à boire. Alors, adieu. Signé Sébastien Duluth. J'ai aussi une équipe d'avocats là, qui s'assure avec moult injonctions que je reçoive plus de correspondance de cette dite corporation d'enfer. Tout ça est vrai en passant, toute conversation véridique. Vrai comme une lettre à la poste, vrai comme une chronique libre dans un journal et à la radio. Wow! Merci Sébastien Duluth. J'espère que ça va provoquer des remous et des... Ça vaut beaucoup. Vous pouvez aller voir ça sur le site de Zone Campus, les chroniques, partager ça avec Facebook. C'est bien agréable de voir ça circuler. Puis ça touche les gens qui ne sont pas nécessairement de Trois-Rivières, mais qui voient un peu comment ça se passe chez eux. Et on se compare et on se désole. On voit que la corporation a des croûtes à manger. Hein, si on va au pain. Il y a la dent longue. Voilà. Bon matin, Sébastien. Bonjour, messieurs. Ça va? Ça va bien, vous autres?

Au retour, d'autres chroniques de la part de nos précieux collaborateurs. Vous écoutez Aucun outil requis sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. De retour à Aucun outil requis. Dans cette émission estivale, on rassemble chaque semaine quelques chroniques diffusées pendant l'année scolaire 2012 et 2013. N'oubliez pas que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est là que vous pourrez retrouver toutes nos chroniques originales. Devine, c'est qui que je vois juste là? Je sais pas, t'as moi... trois chances, Max. OK, Mario? Mario, non, pas Mario. Parce que moi, je regarde en face de ça, moi. C'est, ça, c'est sur mon chandail, il y a un Mario Bros. Mm-hmm. C'est pas ça. Est-ce que ça commence par un S? Oui, ça commence par un S. T'aurais pu me demander des indices, mais OK. Ben, c'est ce que je fais, là. Okay. Est-ce que c'est Simon? Non. C'est pas Simon. T'as pas mal lutté trois chances, je pense. Merde. Non, c'est pas merde non plus. La période de réflexion est terminée. La réponse est Sébastien Duluth. Bonjour. Ah, salut, salut, ça va? Ça va très bien, toi. Je pensais que c'était David Hasselhoff. Ah, ben... Ah, j'aurais dû faire le gag. T'es pas assez vite, non, croire, hein? Non, c'est ça. Donc aujourd'hui, Sébastien Duluth... Disons, c'est que David Hasselhoff est passé matinal pour être ici. Ah, voilà. Là, lui, il est sous en train de manger des cheeseburgers, je pense, quelque part. Live sur YouTube, quelque part. On parle de Sotties 80s. Sotties 80s, oui, oui. Absolument, parce que la dernière chronique que j'ai faite ici, j'avais évoqué l'émission Hip-Hop et Rock. Oui. Puis ça a l'air qu'il n'y a pas grand monde à l'université qui connaît cet insipide navet télévisuel des années 80. Le pire, c'est que ça joue encore à la télé. Prise 2 a ramené Hip-Hop et Rock. C'est donc pas Prise 2, hein? Ça, c'est Prise 999. C'est terriblement mauvais. Mais donc, pour notre plaisir le plus inoffensif, là, j'ai choisi de faire une petite... En fait, j'ai choisi de faire une petite pause aussi dans la critique. Arrête de chialer. Je vais revenir en force avec j'ai un gros sujet là, sur ma table de travail et mes enquêteurs sont là-dessus. Mais là, donc, j'ai juste envie de ma salle de presse. Oui, la grosse salle de presse. Donc là, on va se faire un petit... quelque chose comme une espèce de petite rafale de faits idiots sur les années 80. Là, histoire d'un peu de mousser un peu notre culture. On a toujours une époque nostalgique. On aime ça avoir des références, ouais. Mais autre chose que les cités d'or. Là. Je vais vous parler un peu de mes années 80. Alors, oui, mais c'est ça. Ben, récemment, moi, j'étais assez excité quand j'ai appris le retour de Michael Ryder. C'est comme Michael Ryder. Mais j'ai été déçu. Je pensais qu'on parlait de Knight Rider, ah? De K2000. Fait que, ben, pour ceux qui sont nés, après que le stade olympique a eu un toit, K2000, c'était une émission à la télé où David Hasselhoff conduisait une Trans-Am noire qui s'appelait Kit et qui parlait. Et puis, il y a l'émission, mais des fois, il pouvait débarquer de l'auto, puis l'auto continuait, là, était comme téléguidé. C'est une entité à part entière. C'est revenu, ça, des années 2000, hein? K2000 version récente, ça a eu lieu. Ben, c'est ça, là, en fait. Moi, j'ai comme lu sur Wikipédia qu'ils ont fait même un film de ça. Moi, ouais. J'ai jamais vu ça. Mais je vais revenir sur le film. Mais non, c'est ça. En fait, j'avais jamais vu cette histoire de film-là avec Mitch Buchanan de Baywatch. En fait, c'est ça. Là, les gens réalisent peut-être pas là, qu'il y a une carrière avant Malibu, ce David Hasselhoff. Et j'ai fait des recherches, je suis tombé sur le film, et là, j'ai vu que la trame sonore du film K2000 avait été composée par Yann Hammer. Yann Hammer, ça me dit quelque chose, mais Yann Hammer, il a été le claviériste du groupe culte de jazz fusion Mahavishnu Orchestra. Ça, c'est plus des années 70, mais la fusion a la peau épaisse. Hein? On a continué à triper là-dessus encore même aujourd'hui. Puis Yann Hammer... C'est pas le frère de MC, ça? Non. C'est peut-être son père, à la limite. Faudrait voir, mais Yann Hammer a aussi composé le thème de Miami Vice. Oh. Ça, c'est pas mal plus années 80. Donc, il passe du jazz fusion à... Aux vestes bleues poudre. Oui. On a le complet pastel assorti. Les pantalons blancs ou en lin. Oh, ouais. Mais moi, Miami Vice, mes parents ne voulaient pas que je l'écoute tôt. C'était un peu... Obscène. Ouais, mais à 8 ans, 10 heures le soir, d'habitude, c'est plus le temps. Ça, c'était dans les années 80, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que 8 ans, 10 heures le soir, tu sors, puis bon. On parlait du Mahavishnu Orchestra. Si ton père a des vinyles de Mahavishnu Orchestra, ça se peut qu'il ait déjà fumé ce qu'on appelait des cigarettes spéciales. Mais aussi, je dirais surtout que ça se peut qu'aujourd'hui, il rentre encore son chandail de laine dans ses pantalons. C'est un type, ça, de mélomane. Bon, mais de toute façon, chacun son époque, chacun ses plaisirs coupables. Moi, j'ai mes plaisirs coupables. J'ai jamais encore rencontré à Trois-Rivières quelqu'un qui aime vraiment autant que moi le glam metal et surtout le band Air Metal Cinderella, donc Cendrillon. J'ai pas encore rencontré quelqu'un qui aime ça autant. Visiblement, c'est pas ce matin qu'on va en discuter plus longtemps. Bon. Mais moi, mon véritable, vrai plaisir coupable des années 80, c'est Samantha Fox. Oui. Ça, pour moi, là, c'est ma première cassette. J'avais reçu à peu près dans la même année. Je sais pas si c'est Europe The Final Countdown ou Samantha Fox, l'album éponyme que j'ai eu en premier. Mais lequel que t'as aimé le plus, là, c'est... C'est Samantha Fox. Ouais, avec ses beaux collants et son spray net. Mm-hmm. Ouais, au début, là... mais check bien, là, toutes les... Non, c'est plus que des collants et du spray net, là. Ouais, c'est effectivement un kick érotique, là, immense, quand ça déferle, ça, au Québec. Elle avait les cheveux roses... pardon. Les cheveux roses dans une vidéo qui s'appelait Naughty Girls. Ça m'avait pas mal fait flasher. Et surtout, c'était la chanson I Surrender to the Spirit of the Night. Là. Ça, c'était Play Rewind, la première tune de cet album-là. Alors, je mettais ça dans mon Walkman jaune, puis ça arrêtait pas. Saviez-vous ça que Samantha Fox est une Anglaise qui a connu un succès démesurément important au Québec par rapport aux autres pays? Mm-hmm. Elle a quand même vendu beaucoup partout, mais au Québec, c'était vraiment démesuré. C'était vraiment un terroir d'accueil pour Samantha Fox. C'était assez particulier. Elle est même venue jouer à Thetford Mines. Hey. Moi, je restais là dans ce temps-là. Quand même, fallait qu'elle s'occupe du Québec. Hein? Alors, puis là, c'était la folie. Le magasin de disques Polisson. Bon, c'était pas vraiment là que t'allais pour du jazz fusion. Mm. C'était plus de base que ça. Là. Mais le magasin Polisson a trouvé que c'était une bonne idée d'afficher partout dans son commerce des posters d'elle tout nue dans le centre d'achat. C'est vraiment chic. Puis, ensuite de ça, ben, ça me fait penser qu'au secondaire, moi, je suis allé à Polyvalente avec les jumelles de Ouattatata. Eh non! Et puis, au cégep, j'ai été avec la plongeuse Annie Pelletier. Ah, la vie est un sport dangereux. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun, cette affaire-là. Tu sais, c'est comme vous autres, tu es quelqu'un connu de votre secondaire? Pas tout. Non. Non. Tellement à plat. Ah, mais ben, sérieux. Ben, les jumelles de Ouattatata. Hey, cool! Dur à battre. Alors, où que vous êtes, les jumelles du saut, salut. puis dans le wiki sur Ted Furman, j'ai fait des petites recherches, puis on apprend que le frère Marie-Victorin est décédé dans un accident de voiture près de Black Lake. Ça, c'est à côté de Ted Furman. Et là, tu sais, c'est qui le frère Marie-Victorin? Hein? Sinon, tu dis oui, puis tu vas sur wiki au plus maudit. OK. Bon, mais Black Lake, c'est sûr que ça, c'est moins connu, là. Ça, c'est sûr. Ben, c'est là que le film Mon oncle Antoine de Claude Jutras a été tourné dans les années 60. Jutras, lui, s'est suicidé en 86. C'est malheureux, c'est jeté en bas du pont Jacques-Cartier. Il souffrait d'Alzheimer avancé. Tout ça pour dire que Black Lake, c'était comme genre le Rochon à Trois-Rivières. Là. C'était rude, c'était glauque. Là. T'allais pas là pour rien. Là. Et surtout, tu voulais pas être envoyé de la polyvalente de Thetford pour être obligé d'aller t'inscrire à Black Lake. Là. Oh my, ça devait être difficile. Puis à la polyvalente de Thetford, de toute façon, ben c'est ça. Il y avait Black Lake, mais à la polyvalente de Thetford, il y avait quand même des rudes. Eux autres, ils venaient d'East Broughton. East Broughton. C'était des brutes, hein, vraiment. Ils tabassaient à tous les matins. Les pauvres petits parents de cultivateurs là, de Sainte-Clotilde, là, ils terrorisaient tout le monde. Saint-Méthode, ils avaient peur de East Broughton. Puis tout ce monde-là se ramassait à Thetford. Puis sur l'heure du midi, on était assis sur des bancs là, proche des cases. Puis je me rappellerai toujours de Jimmy. J'ai même peur de dire son nom à radio. Quand il s'appelle Jimmy, c'est souvent méchant. Ouais, c'est Jimmy, c'est ça. Jimmy. Mais je l'aimais bien, mais j'ai peur. Là, il était transi dans les motards. Peut-être. Mais Jimmy, c'est East Broughton. Un jour, il a donné un coup de poing en face d'un gars qui était assis à côté de moi. Il était debout, Jimmy. Puis le gars était assis à côté de moi, genre à côté de moi, là, à 10 cm de moi. Puis c'était pas un coup de poing en face. Là. C'était comme une masse sur une enclume là, ou deux trains qui se carambolent ou genre une météorite qui défonce la lune. Le gars était vraiment assis juste à côté de moi. Puis le souffle de l'impact de son poing sur son visage, ça m'a carrément dépeigné la coupe Longueuil. Mais Jimmy, lui, la sienne n'avait pas bougé d'un poing. Puis, ben, c'est ça. Il y avait les Jimmy, mais il y avait les Jim. À l'école, il y en avait un qui s'appelait Jim Boulanger. Ça, on trouvait ça quand même. Jim Boulanger. Puis, ah, mais tabarouette, il est sur Facebook, Jim Boulanger. Ah, cool. 32 amis, toi. Hey, c'est clair qu'il reste à Thetford. Hein? Encore là. Bon. Mais, hey, puis Grim, c'est malade. Sur sa photo de profil à Boulanger, il y a une Transam noire c'est dans ses photos de profil. Pareil comme Kit. K2000, le char intelligent. Alors, on fait une petite boucle. Dans les années 80, là, en fait, on pensait vraiment que l'an 2000, ça allait marquer le coup de départ d'un monde futuriste. Mais, puis les autos allaient voler, genre, tout ça. Ou au moins parler comme Kit. Là. Mais finalement, aujourd'hui, là, c'était une mission d'enquête là, top secrète. T'as vraiment pas besoin d'un char qui parle. Là. T'as juste besoin d'aller sur Wikipédia. Là. C'est bien assez. Fait que c'était mes sotties 80s, messieurs. On salue Jimbo. Jim Bou. Salut, Jim Boulanger. C'est un bon gars, Jim Boulanger. Ouais. Ouais. T'as repris contact? Juste 32 amis. Ben, voilà. Moi, ben, je request personne que juste 32 amis. Numéro 33, comment? Numéro 33, le chiffre de Jésus. Non, non. Quand t'en as en bas de 50, c'est clairement un Facebook familial. Bonjour Sébastien. Salut messieurs, comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme. Good, moi avec. Tu es en présence d'une vedette des médias sociaux en ce moment, Sébastien Dulude, qui voit son article se faufiler partout sur Internet. Là. Oui, ça l'a vraiment explosé, ça a sorti de mes réseaux habituels. J'en avais quelques-uns comme ça que je vois que des fois, quand le sujet s'exporte bien dehors de la région, je le sens que ça spinne pas mal, mais celui-là, il est vraiment parti. Là. Ça, vu que ça concerne un court-métrage, je sais que des gens cinéma ont réfléchi là-dessus, puis je pense que l'argument est assez béton aussi dans ce qui s'est passé. Donc, quelque part, il y avait un non-sens là, puis ça là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Exactement. Mmh. Et ça a un titre en plus qui frappe, donc ça attire l'œil. Je pense que ça joue, paradoxalement, justement, vu que je parle une question de malaise avec la sexualité au Québec, alors de titrer mon truc Pénis en feutrine gate, je tire une corde un peu paradoxale. Ben, si on est vraiment en 2013, pour que les gens soient aussi pudiques sur un mot médical, ça. Un terme médical comme pénis. Ça me semble évident que oui, on est encore. C'est bizarre. Très peu à l'aise avec ça. Ouais, c'est dommage. Pas à l'aise, hein, ça se dit pas. Très peu à l'aise. Très peu à l'aise. Ralaise. Donc, je vous lis ça? Oui, allons-y. Oui. Donc, voici ce pénis en feutrine gate. C'est un scandale sexuel dans le milieu culturel trifluvien. De la nudité frontale explicite s'est glissée dans une séance de projection de court-métrage destinée aux enfants. Mmh. Voici les faits. Le dimanche 9 mars dernier, la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières tenait la troisième édition de sa série Les Petites Vues. C'est au Centre culturel Pauline Julien. Un public nombreux, comme d'habitude, y assistait, des parents et des enfants. La programmation de la matinée, c'était un matin, avait été confiée, comme auparavant, à l'entreprise trifluvienne Travelling. Donc ça, c'est un joueur important dans l'histoire. Travelling est un organisme de distribution de courts-métrages. Ils ont d'ailleurs une réputation exceptionnelle. Ça s'est imposé tranquillement, Travelling, comme un joueur majeur de la distribution du cinéma indépendant au Québec. Donc, c'est eux qui ont fait la sélection des courts-métrages. Et puis là, ils ont été dans une sélection internationale de films qui avaient été remarqués un peu partout dans le monde. Le diffuseur, donc la Corporation de développement culturel, était donc on ne peut plus fier de collaborer à nouveau avec Travelling et de présenter, et là je les cite sur leur site enspectacle.ca, on présente donc une sélection internationale de courts-métrages parmi les plus remarqués de la dernière année. Soigneusement élaboré par l'équipe de Travelling, le programme rassemble des films provenant du Québec, mais aussi de l'Espagne, de la France, du Chili et du Royaume-Uni. Autant d'histoires amusantes et rocambolesques que les plus petits comme les plus grands prendront plaisir à découvrir. Point d'exclamation. Alors, c'était plein de bonne volonté, cette affaire-là. Mais parmi ces histoires qu'on a présentées, le film franco-belge-néerlandais O.H. Willy, qui est aussi un surnom Willy. Pour un pénis. Ouais. Ça m'avait échappé, mais ouais, c'est possible que ça ait été. Willy. Ouais, mais le personnage s'appelle vraiment Willy, mais on y voit le Willy. Ouais. OK. C'est bon, Mathieu. Donc, ce film néerlandais, franco-belge-néerlandais, O Willy, a causé un malaise tel que la projection du film en a été interrompue. C'est une première dans l'histoire des petites vues. O Willy raconte l'histoire d'un homme d'environ 50 ans qui s'appelle Willy, dont la mère vient de décéder et qui, après différents épisodes de difficultés, là, il sent vraiment en détresse émotionnelle, il trouve refuge et réconfort dans un monde onirique habité par une géante. Il se passe toutes sortes de choses. Et l'une des particularités de ce petit bijou d'animation, c'est un film d'animation, est que tous les personnages et tout le décor ont été entièrement conçus en feutrine, en lainage et autres tissus divers. C'est beau. Oui, le film est vraiment remarquable sur le plan visuel et s'est mérité de très nombreux prix à l'international, tant de la part de jurys de festivals que des prix du public. Et c'était également mérité des prix dans des festivals de films pour enfants aussi. Mais donc, tout le visuel, tout le film, c'est vraiment de l'animation de trucs en tissu. Et une autre particularité du film est que la mère de Willy vivait dans une communauté nudiste. Et là, c'est tout le nœud du problème. Cet élément clé du scénario, très singulier, permet notamment d'exploiter les notions d'exclusion et de vulnérabilité de l'individu en situation de perte de repère. C'est ce qui arrive à Willy, privé de sa mère. Il est complètement dérouté et il retourne au mode de vie naturiste, mais s'en retrouve encore plus isolé. Dans une scène qui a fait déborder le vase de la tolérance du diffuseur, on voit Willy tenter d'entrer en relation avec des enfants, donc il joue tranquillement avec des enfants, lui nu et eux habillés, et essuyer la violence de l'incompréhension des enfants à l'endroit de sa différence. C'est-à-dire qu'il rencontre un enfant, ça va assez bien, il joue dehors, puis il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y en a pas de problème. Mm-hmm. C'est symbolique, cette nudité-là, de toute façon. Mais là, il arrive un autre enfant, et là, les problèmes commencent. Et Willy devient la victime. Il se fait taper, là, à un moment donné, avec un bâton. Là, il se fait taper sur les fesses. Mais ça, on parle vraiment, on dirait vraiment des oursons en plus, là. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est la scène qui a fait déborder le vase. Manifestement, il s'agit donc d'un film propre à susciter la réflexion. On est très, très loin de Toy Story ici. Oh Willy est un film d'une beauté exceptionnelle qui aborde les thématiques du deuil d'abord, c'est vraiment un film sur le deuil, et de la fragilité émotionnelle de façon symbolique et avec une très, très grande dignité. Mais voilà, on y voit des pénis et des seins. En tissu, rappelons-le, en feutrine, mesdames, messieurs. Et il y a eu malaise dans l'auditoire. Et une dame s'est levée et est partie avec son enfant. Et ça a commencé à murmurer. Et le responsable a pris la décision d'arrêter la projection et de s'excuser devant le public. S'excuser pour quelque chose qui, à la base, il avait choisi lui-même, ou est-ce que c'était quelqu'un qui n'était pas au courant du film? On ne sait pas. Alors, ça laisse sous-entendre que le film n'avait pas été évalué... OK, par un comité de sélection. Je suis pas... j'étais pas sur place. Moi, on m'a témoigné de ces faits-là, mais ou à ce moment-là, ou c'est simplement que la pression était trop forte de la part du malaise. Non, apparemment que le malaise était effectivement là. Malaise, évidemment, qui vient des parents. Hein? Oui. On se cachera pas. Alors, dans la situation où un film dont la qualité est indéniable, le cas de O. Willy, et un film donc qui provoque des réactions et des questionnements, il me semble légitime, je pense que le film est fait pour provoquer des réflexions, on a donc décidé de ne faire confiance ni à l'expertise de Travelling en matière de cinéma, c'est eux qui l'avaient choisi, ni à l'intelligence des enfants, le public cible. On peut certainement identifier les parents en tant que grands responsables de cet échec. Ce sont eux qui ont ressenti un malaise et mis de la pression sur le diffuseur, qui a réagi en leur faveur, niant du même coup la capacité du cinéma et de l'art en général à ouvrir l'esprit, à bouleverser les idées reçues et à créer de la beauté inattendue. Ainsi, on ne tolère pas au Québec, en 2013, de la nudité artistique dans un film destiné à un jeune public. Et ce jeune public d'enfants qui, à 4-5 ans, sort à peine de l'époque bénie où les bébés peuvent circuler tout nus à leur guise et boire au sein de leur mère, ou alors à 11-12 ans, un public d'enfants qui fait son entrée dans la puberté avec en tête des milliers de questions encore sans réponse sur la sexualité. Alors c'est dans ce contexte-là qu'on arrête le film. Imagines-tu l'enfant qui fait comme « Ah, OK, ça c'était pas bien ça d'abord. Ah, d'accord. » Puis tu restes un peu avec ça, c'est... Cette mentalité-là. Ouais, c'est ça. OK, je viens de voir quelque chose, puis il fallait pas, là, on l'a arrêté. Ah, moi, cacher, c'est que je ne saurais. Oui. C'est Dine en feutrine. Ouais. Alors, quelle occasion ratée d'aborder un sujet aussi important. Si c'est la sexualité qui cause un problème là-dedans, une sexualité qui n'est pas érotisée nulle part dans le film, c'est vraiment une nudité et c'est ça le malaise. On passe à côté complètement de la question du deuil dans tout ça. Mais donc, je considère qu'on a une société vraiment très triste, une société de perdants qui s'habille de peur et d'hypocrisie. Tellement. Puis après ça, les parents laissent faire absolument n'importe quoi à leurs enfants ailleurs que là. Là, je veux dire, ils les laissent regarder des trucs à la télé qui sont bien pires que ça. On va s'en parler des cartoons avec les seins refaits. C'est ça. Ah, tu sais, c'est plus gros que des melons. Des melons. J'y arrivais justement. C'est exactement ça, l'ironie. Quel mépris, moi, ça m'inspire à l'endroit de parents qui sont aussi puritains d'un côté, mais qui, pourtant, de l'autre côté, laissent leurs enfants consommer de la violence, de la haine, de la radio haineuse. Là, je veux dire, à un moment donné, là, c'est banalisé à l'extrême. Du sexisme, ça, c'est probablement le plus gros le problème principal présentement. Tout ça est absolument banifié, plutôt banalisé. Je sais pas quel mot mon esprit a contracté. Banifié. Mais banalisé aux heures de grande écoute. Et quel adulte dérangé, moi, je dois être, de considérer comme des danses Harlem Shake avec les mains autour des hanches comme un petit peu sexiste, pas mal sexiste. Mais on parle de ça, salut, bonjour, le dernier Harlem Tellement. Shake. Puis, Non, puis les parents regardent absolument pas ce que leurs enfants font. Ils les laissent aller sur Internet dans leur chambre, sur leur iPod Touch, leur iPad pendant toute la soirée, puis ils regardent ce qu'ils veulent, littéralement. Puis il y a des choses qui pop-up que tu contrôles même pas. Tu vas pas nécessairement chercher du sexe sur Internet, ça fait juste te popper dans la face. Il y a plus aucun... comment ça s'appelle? Un thumbnail sur YouTube. Quand tu vois une compilation d'affaires, c'est toujours la fille en bikini qui va servir de thumbnail. Ça en est rendu systématique. Ça va être une compilation de jokes d'Halloween, mais s'il y a une fille en décolleté, on va la mettre comme thumbnail. Fait que ça, les enfants, ils aiment ça, ces compilations-là. La place, ça les fait rire. Mais c'est vendu par l'accord de la sexualité. Mais après ça, on peut pas voir un film artistique avec la nudité. Je me demande, est-ce que ses motivations étaient différentes, mais tu sais, sûrement que c'est parce qu'elle était vraiment gênée de ce qu'elle a vu, mais ça pourrait être aussi parce que tu veux pas que les autres pensent que tu endosses ces propos-là. Donc, pour avoir l'image d'un bon parent, faut que quelqu'un se lève puis aille dire que ça se fait pas pour qu'il arrête le film, pour genre avoir être le super-héros de la soirée pour cette madame-là, je sais pas. Le super-héros, je pense que c'est le parent qui regarde ce film-là puis qu'après ça réfléchit avec son enfant. Mais puis en jase. Puis laisse l'enfant exprimer s'il a eu son malaise. Je serais bien curieux de voir s'il y a un seul enfant là-dedans qui a trouvé ça malaisant de voir ça. Franchement, là, exact. Un sérieux problème. Ouais. Et donc, sans parler qu'en tant que moi, personnellement, père, écrivain et citoyen en général, je suis désespéré de voir que les parents semblent légion à ne pas pouvoir dialoguer avec leurs enfants sur des sujets importants, en utilisant notamment la force de l'imaginaire et de la poésie, un espèce de détour par la métaphore pour aborder des sujets. Ça met un nom, ça met une image sur une émotion. On voit beaucoup ça avec le cinéma pour enfants, où des sentiments difficiles, des peurs profondes ou des grands malheurs qui sont détournés par la poésie, puis ça permet aux enfants de mettre un visage, une espèce d'histoire sur cette émotion-là pour être capable de la gérer. C'est connu, ça, mais non, hein, ça semble difficile. Et du reste, je me demande pourquoi les parents feraient ça, de toute façon, discuter de poésie. Pourquoi s'encombrer de ça qui est tellement abstrait et étrange, hein? Pourquoi faire appel à nos sens et à nos émotions pour comprendre le monde lorsqu'il semble inévitable que nos enfants tomberont bien assez tôt sur YouPorn pour nourrir leur vision de la sexualité, tu sais? Regarde, un moment donné, là, tu auras checkavre à faire, là, dans ta chambre. En attendant, ben lâche le cinéma d'auteur européen, là, laisse faire ça, puis va jouer avec ta Barbie. Là. Elle a fait pas de choses bizarres, là, comme rêver de géante. Elle, de toute façon, elle fait rien, Barbie. Elle attend qu'on la trouve belle. T'sais. Puis son chum, Ken, ben lui, il a pas de pénis. Bon! Just too much a coward to